Bonjour et bienvenue à cette émission spéciale. Les palmarès, c'est fou, présente l'équipage de la vie de croisière d'Assemblage Requis dans Assemblage Requis vous monte au bateau 2012. Moi, c'est Mathieu Plante. Moi, Jasmine Raymond-Drainville. C'est le nom long, je pense. Oui. C'est dans ta tête. Ouais. Donc aujourd'hui, c'est la dernière édition des palmarès, c'est fou pour cette session d'hiver 2012 et c'est aussi la transition entre maintenant et l'été où nous animerons ensemble la vie de croisière d'Assemblage Requis. Donc je me suis dit, un embarquement dans un bateau qui nous attend, tu l'entends derrière nous. Mais oui. Ce beau petit bateau qu'on vous monte de toutes pièces. On se prépare, on prend une coupe de gravol, là, puis c'est sûr. On est parti. C'est sûr. Je demandais à François-Olivier tantôt de venir nous dire au revoir au moins un petit peu sur le bord du quai comme ça, là. Je pense que c'est une bonne idée. Tu vas venir pour vrai? Dire au revoir à Assemblage Requis. Ben, je sais pas. On va voir. Est-ce que tu as demandé? J'ai demandé si ça y tentait. Il m'a dit peut-être. Ah. On verra. D'accord. Mais on a aussi les palmarès, c'est fou à faire, étant donné que c'est la dernière émission. On va pas tout entendre parce qu'on a plein de surprises pour vous. Entre autres, un montage d'Instant Classique, bien sûr. Mais aussi un montage des poèmes que François-Olivier a écrit à nos chroniqueurs toute la semaine. C'était tellement flatteur. C'était hein? beau. C'était beau. Par contre, on n'a pas de chroniqueuse, donc Justine Renaud et DJ Catardi, étant donné que c'est les examens, tu sais comment c'est, les étudiants, hein, tout le temps une raison. Mais là, c'est les examens, c'est normal. On leur dit à cet été. Ben oui. Est-ce que les deux reviennent cet été? Oui, les deux. Oui. M'en voilà ravi. Ça va être super, ça. Donc, on va y aller avec des nouvelles entrées. Cette semaine, on a Ariane Moffat, Marie-Pierre Arthur, Chinatown, Caravan Palace, Joel Plaskett, Emergency et Foxy Shazam. On va débuter avec les 20e positions. On commence en franco, comme toujours. Avec la pièce Culpabilité de Chinatown. Au 89 FM, c'est l'émission, là. Avec plein de mots, là. Bonne émission! Matin innocent, et numéro 20. Nouvelle entrée. Pourquoi vouloir encore? Nouvelle entrée. Let's make a racket for the old and young. Plaskett Emergency avec Your Mind, nouvelle entrée en position 19 sur l'album Scrappy Happiness. Du côté francophone, juste avant, on a entendu une autre nouvelle entrée, Marie-Pierre Arthur avec Emmène-moi. Ben oui, c'était ben la fin, ça. C'est ça. Hey. Avant ça, on a entendu en 20e place anglophone Foxy Shazam et I Like It sur l'album The Church of Rock'n'Roll. Et pour commencer tout ça, on a entendu Chinatown avec Culpabilité. Oui, Chinatown qui est de retour avec leur nouvel album Comment j'ai explosé. Ça faisait longtemps qu'on l'attendait et je suis très heureux de l'entendre. Foxy Shazam, j'ai oublié de dire que c'était leur deuxième extrait après Holy Touch, dont on se rappellera tous pour toujours. Oui, ouais. J'ai l'aimé, moi. Ah, oh, c'était bon. Hey, ben ça aussi, c'est bon, I Like It. Il nous reste deux nouvelles entrées en 18e place anglophone. On retrouve Caravan Palace avec The Dirty Side of the Street. Et juste avant, on va entendre Ariane Moffat avec L'Homme dans l'automobile en 18e place francophone. Toujours au palmarès, c'est fou, présente l'équipage de la vie de croisière d'Assemblage Requis dans Assemblage Requis vous monte un bateau. Avec des petits bruits d'oiseaux et de bateaux. Oh, c'est cool. OK. Ouais, ça va faire. C'est ça. Je sais pas si je coupe pas. Je sais pas. pas de bouger. Caravan Palace et The Dirty Side of the Street, position 18 sur l'album Panic, et c'est vraiment bon, ça. T'aimes ça, moi? Ben oui. Comme ça rend bonne humeur. Tellement. C'est ça. Ah, c'est beau. J'aime ça. Ouais. Puis avant ça, hein? Ouais. On a entendu du côté francophone Ariane Moffat avec L'homme dans l'automobile. Oh, que oui. Toujours sur, ou en tout cas en avant du bateau. Plus l'automobile, c'est un bateau. Oh, on apprend les véhicules aujourd'hui, comme dans la rue Sésame. Là. La lettre hein? A. Ah oui. A comme dans Anana. Oui. Bateau. Bon. Donc, on est rendu, on va sauter par-dessus les 17e places du côté franco. C'est les Breastfeeders avec Poupée à dormir debout qui descendrait de deux places. Oui. On saute aussi du côté anglophone. Côté anglophone, nous allons sauter par-dessus Duchess avec S-O-H. Oh, j'imagine ouais. Qu'on... C'est ça. That's right. Oh yeah. On vient avec les 16e places du côté anglo. Il y aura Revolver avec Windsong qui monte de deux. Mais on va commencer avec Les Revenants et la pièce La candeur d'un inconnu qui monte de 4 places. Dans les panneaux assez fous. Si on raccourcit toujours. Ça. Oui. Le nom de l'émission d'aujourd'hui est plus long. C'est un peu long, mais on va abréger un peu. Okay. On finira pas. This wind ain't the right wind for me. This wind ain't the right didn't make a sound. Position numéro 16, ça monte de 2. Du côté francophone, juste avant, on a entendu Les Revenants avec La Candeur d'un inconnu qui monte de 4 places. On va entendre les positions numéro 15, mais avant ça, je dois vous dire que juste après, je pense qu'on devrait s'écouter les poèmes de François Olivier. Ah oui. Ça va être bon. Est-ce qu'on peut laisser le petit fond du bateau? Tu le veux quand? Pendant qu'il parle? On peut pas faire ça, hein? Pendant qu'il parle? C'est cool, ouais. Ouais, on pourrait. Ben ouais. C'est que les mouettes, là. Si tu parles d'un fond, tu veux évidemment dire l'ambiance dans laquelle nous sommes situés étant en ce moment ben devant non, mais le vrai fond bateau. Dans la vraie vie, c'est ben ça. Oui. On peut le laisser. Fond, tu sais, les oiseaux qui sont au-dessus de moi, là. J'ai le contrôle sur les vagues, je peux les faire venir plus près de nous. Tu sais, on peut s'avancer. C'est comme avec un micro, on s'avancerait. Est-ce que tu peux changer la température de l'eau? Oui, attention. Oh, c'est chaud. Oh, je me brûle. Donc, oui, on va aller en 15e place tout de suite du côté anglo. C'est Set the Whale et Loveless qui montent de 2. On va tout d'abord entendre Dumas avec Souvenir en mitraille qui redescend de 4 places. Et on se rapproche de loin un peu encore pour aller plus loin. Et Dumas s'éloigne. OK, donc faut Dumas chante de très très loin, tu sais, vraiment pas fort, tu sais, comme ça. Puis là, allez, j'ai plus fort un petit peu. Viens sur le bateau! Yeah! Ma solitude est infinie. Plus je pense me rapprocher, plus je m'éloigne. Comme une course sans fin au bord d'un ravin. Saisons à mesurer ton départ, on tira des millions d'années. Je pense à toi, mille fois par jour, mille fois sans toi, tous les jours. numéro 15. De Seth the Whale. Ça monte de deux places du côté anglophone. Juste avant, on a entendu Dumas en 15e place francophone avec la pièce Souvenir en mitraille. Oh que oui. Le tout accompagné d'une sirène du bateau. Ben, il faut le dire, hein, faut l'expliquer. C'est qu'on est situé en ce moment en direct, là, super crédible, devant le bateau qui va nous amener en croisière tout l'été avec la vie de croisière d'assemblage requis. Est-ce qu'il y a un nom, le bateau? C'est le SS Requis. Ah. J'allais dire le MS Assemblage. MS Assemblage, ce serait qui? Ben, en fait, on a deux bateaux. Bateaux de backup, des fois qu'un soit en panne, ça peut arriver. C'est fou, loup, grand budget, deux bateaux. Ouais. Ensuite, me charge la facture, mais ça, c'est une autre histoire, je vais me battre pour ça. Ce qu'on dit pas, c'est qu'il y en a un qui est un pédalo. Oui, exactement. Et ça, c'est le meilleur bout de ma journée. C'est quand je peux pédaler avec mes chroniqueurs et essayer de faire des chroniques. C'est super, parce qu'on rentre tous dans un pédalo. Évidemment. En même temps, c'est cool. On va parler évidemment plus en détail de la vie de croisière d'assemblage requis d'ici la fin de l'émission. On va aussi parler de l'émission qui a lieu le 1er mai entre 11h et on ne sait quelle heure dans la soirée. C'est notre grosse émission de fin de session. Ça aura lieu sur le mardi 1er mai. Mais avant de faire tout ça et de mentionner les détails de ces événements-là... Zavant. Je pense que ce serait pas pire de se taper... je sais pas si vous étiez avec nous plus tôt cette semaine, là, mais François-Olivier Marchand nous a concocté une gigantesque portion de poèmes pour chacun de nos chroniqueurs hebdomadaires. Mmh. Donc, on va y aller avec un instant classique version poème. Parce que les petits oiseaux vont triper tout le long. Oh.

Simon. Bonjour, messieurs. Bonjour. Ça va bien? Comment ça va? Ça va très bien. On est excités, moi, je pense. Ah, vous êtes heureux, hein? Dernière émission de l'année. Ah, puis écoute, j'avais écrit un petit poème, mais là, je suis complètement gêné. Comparaison. Après à toi, là. Écoute, ça va comme suit. C'est pas grand-chose. Inspiration me manque un peu en cette fin de session, là. Ça va comme suit. Simon Fitzbé, on pourrait te décrire comme historien, mélomane, ou on pourrait seulement dire intelligent. Tu nous as appris une panoplie de choses en passant du vinyle au MP3 et tu nous as rappelé des légendes ou des groupes en faisant leur historique. En espérant te conserver longtemps, c'est fou, sache que tu nous as rendu plus intelligent ou du moins d'apparence. Et comme le dit si bien Mathieu Plante, tu ne mérites pas un Fitzbé, mais bien un Fitz A+. On revient avec ça. Simon Fitzbé. Hey, Krim, c'est nous autres qui te remercions. Ah, c'est très gentil. Vraiment, passez une belle session. Ben, merci beaucoup. C'est très gentil, c'est très sympathique. J'adore. Je suis pas très à l'aise avec les hommages, mais non. T'en mérites plein. François Landry, on va lui mettre son intro pour une dernière fois, même s'il n'y a pas de chronique. Logo Crassé 101, on la met. S'il vous plaît. Collègue. Le début est solennel. Dangereux. Get royal. Gangster. Collègue, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Le début est solennel. Petite apparition spéciale de la part de François Landry. Monsieur Landry! Journée occupée, oui. Salut! Écoute, je t'ai écrit quelques phrases un peu à la manière ça, de ce aujourd'hui. Ouais, c'est ça, j'ai exactement. J'ai tellement entendu de rumeurs sur ton texte que je disais, faut que je sois là. Go, vas-y. Bon, écoute, on commence comme ça. François Landry, qui se trouve toujours à ma droite et qui est à la gauche de Mathieu Plante, a su centrer le débat malgré une session remplie de rebondissements. Tes sujets et tes propos ont tous su nous éclairer et comprendre la politique. Fédérale, provinciale, cousin de Bernard Landry ou pas. Tu nous as fait réagir. Et pour cela, nous te disons merci, Landry. Hey, écoute, merci, Marchand. Ça a rimé à la fin, c'était pas bon. Il y a de l'effort. Bravo. Honnêtement, là, tu me surprends. Ouais, bon. Hey, on a vraiment tous des forces. Hein, je pensais que tu étais juste le faire-valoir de Mathieu à chaque matin. Mais non, ça a l'air que... Capable d'écrire quelques lignes. Non, c'est bien. Écoute, Simon, mon conseiller politique, toi, tu vas devenir mon rédacteur de discours. Puis Mathieu, lui, c'est certain, ça va être mon gig... C'est le gars propagande, webmess et... Oui, oui. Réseaux sociaux et je vais te rajouter des petits jeux de mots poches à la fin de chaque phrase. Ouais, plein de hashtags à la Mathieu. Oui, oui. Ah, c'est le gars qui va distraire les gens, tu sais, qu'il va se passer une crise. On va envoyer Mathieu, il va danser un peu. Les poèmes de François-Olivier Marchand dans le cadre de la dernière émission de la saison, en fait de la dernière semaine d'Assemblage requis, c'était savoureux, je trouve. On pourrait faire un recueil. Oui, il a publié ça sous forme de texte là, avec François qui fait des faces de gars fatigués ou de... Avec son pot maçon de chocolat chaud. Ouais, ouais, c'est ça. Il est passé nous voir, il dit qu'il trouve ça aussi bon la deuxième fois que la première, donc ça doit pas être rien du tout si François-Olivier lui-même trouve ça bon. Hein. Mmh. Uh-huh. Justine, qu'est-ce que t'en penses avec quelque chose en bouche? Je n'ai pas quelque chose en bouche. Non? Ah, non. C'est ça. J'ai trouvé ça excellent, super rentrer dedans le cerveau là, de ce gars-là, là, c'est quelque chose. Il fonctionne drôlement, son cerveau. C'est... Non, mais j'adore ça. Moi aussi. Je travaille dans un laboratoire avec des neurones puis tout, puis je peux te dire que c'est pas aucune espèce que j'ai vue avant. C'est okay. Un compliment? Oui, ouais, ben oui, si on veut. Je suis en train de dire qu'il n'y a pas de neurones de rat, là. Bref. Pas de neurones de rat. Okay. C'est mieux qu'il n'y a pas de neurones du tout. Mm-hmm. Voilà pour donc l'instant classique. Il y aura évidemment la version normale de l'instant classique avec les meilleurs moments de la semaine qui vient de se terminer tout à l'heure dans l'émission, plus tard. Avant ça, bon, on va terminer l'heure, cette première heure de... Attends, j'ai besoin de mes notes pour le titre pour de l'émission. Pour le titre qui fait 3 pieds de long. Les palmarès, c'est fou, présente l'équipage de la vie de croisière d'Assemblage requis dans Assemblage requis vous montre un bateau 2012. C'est le nom de l'émission d'aujourd'hui. Hein, c'est... Et bateau. Ben, tu ne croirais jamais si bien dire, Justine. Donc, on prend une petite pause et on vient avec plus de notre émission tantôt. Il y aura entre autres la musique de Salomé Leclerc, Reine de France et Hell Songs. Les tartines de Justine qui arrivent par surprise parce qu'on savait pas qu'elle serait là aujourd'hui. Les tartines! C'est ça, j'ai bien dit ça. Oui, je suis cheveux sur la soupe. Cheveux courts sur la soupe. Ben, ou poil de chat sur le bagel. Ah, moi, c'est plus ça chez nous, poil de chat sur le bagel. Oui, exactement. Mais à matin, c'est ça, j'étudiais là, parce que j'étais en grosse période d'examen. Puis là, je me suis pogné un poil de chat dans la bouche à cause de mon bagel. Là. Ça ne t'a pas de peigner votre chat ou. Oh, mais c'est parce que toi, t'en as un chat en plus. Oui, mais je le peigne. Qui louche, là. Le ouais, mais. Ben, elle fait des nœuds, qu'est-ce que je te dis? Le peigner, c'est strictement pour les humains, hein, je pense. Non, en le peigne. Tu coiffes ton chat, mais. Le peigne. Mais non, moi, il n'y a rien à faire. Je le brosse à tous les jours et Martin Deschamps, malgré tout ça, perd énormément son poil. Gingembre à quatre pattes. Ben, il en reste plus bien mince si c'est Martin Deschamps de ne pas avoir quatre pattes. Il y a méga plein de pattes, méga plein de doigts. Il y a plusieurs pouces, hein, trop de pouces, ou t'as six doigts. Sept doigts par patte. Sept doigts par patte. Ouais. Tu parles d'un freak. Il y a de l'air d'un légume racine japonais. Je l'adore déjà. Un bok choy. Non, c'est pas un légume racine. C'est un légume racine, un bok choy, mais j'aime ça de. Je pense pas, mais ça sonne chinois. Bok choy, ça sonne comme François Olivier. Bra, bra. Oh, je suis qui s'appelle Bok Choy. Bok Choy! Ouais. Fait toujours sur le bord du bateau et puis on revient tantôt avec plus d'émissions, OK? Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89 ans. Vous êtes toujours à l'émission spéciale qu'on appelle les Palmarès C'est Fou présente l'équipage de la vie de croisière d'Assemblage Requis dans Assemblage Requis vous monte un bateau 2012. Moi, c'est Mathieu Plante. Moi, Jasmine Rimond-Drainville. 2012. Mon nom est quasiment aussi long que le titre de l'émission. À peu près, à peu près. Exactement. C'est ça. C'est comme dirait son oncle Raymond Jasmine Drainville. C'est long, pas mal. C'est ça. Ce serait meilleur Raymond Jasmine Drainville, parce que Jasmine étant un vrai nom. Ben, c'est son nom de famille. Jasmine, lui. Toi, c'est pas Jasmine Raymond de Drainville, là. Hein? Je t'ai eu là-dessus, là. En tout cas, il y a Justine Renaud aussi qui est là. Hey, Justine Renaud Drainville. OK, excuse-moi, t'as changé de micro sans me le dire. Oui, t'as changé de micro parce que tantôt, on t'a entendu en ondes, puis c'est. Parle donc. Je suis là? Oui, fatiguant. Hey, je m'excuse, j'ai pas changé de micro. C'est lui, en là. En tout cas, je peux te le promettre, mais c'est tout ce que je peux faire. Je peux pas te le prouver, mais je peux te le promettre. Ah, ouais, j'ai changé de micro. Mais c'était pas intentionnel. Ben non, hein. Je suis désolée, gang. C'est pas grave. En tant que t'es un embout dans ta bouche. Un embout? Un embout microphonique, buccal. OK, oui. Ça? Oui. OK. J'en ai un, oui. Sans poils de chat, espérons-le. Je sais pas, mais il y a un trou dedans. S'il y a des poils de chat sur mon masque de micro, il y a quelque chose qui marche pas là-dedans, tu sais? Quoique, un chat assez fou, ce serait apprécié. Ben si oui, je peux faire une suggestion au conseil d'administration, un chat pour ses fous. Ah oui, comme le chien à Penelope McQuaid dans son émission qui sert à rien puis qui ressemble au chien du père à ma blonde qu'on a gardé pendant l'automne puis que j'ai détesté pour mourir. OK. Il s'appelait Maggie en plus. Pas celui de Penelope McQuaid. Non, mais il ressemble comme deux gouttes d'eau. Penelope McQuaid s'est fait frapper par un chat? Non, elle s'est fait éjecter de son char. Ah! Oh, mauvaise blague! C'est vrai, mauvaise blague. Je pensais plus, excuse-moi. Vous pensiez plus? Excuse-moi, Penny, c'est pas Penny! Penny! T'es mieux ça que. Jasmine, t'as pas de l'air sûr. Je comprends pas la blague, mais c'est correct. Penelope McQuaid a fait un accident à un moment donné à cause qu'elle a changé des tunes sur son iPod, puis son iPod il est tombé dans le fond du char. Puis là, après ça, elle a récupéré son iPod en se penchant sur la 40 à 120 km/h dans la voie de gauche, puis elle a embouté je sais pas quoi, puis elle a fait des tonneaux, là. C'est bien trop vrai. La vie de Penelope McQuaid m'intéressant tellement que je vais beaucoup en Je sais pas, mais j'adore ses cheveux. C'est vrai. C'est tout ce qu'elle a. Hein? J'adore ses cheveux, sérieux. Je veux vraiment la prochaine coupe que je me fais. Je pense que c'est ça. Mais on y dira pas. Non. Justement, on peut parler de ta coupe de cheveux. Hein. Tu t'es fait couper ça très court quand même. C'est tout beau. Très court. Alors, c'est très beau. C'est gentil. J'aime vraiment ça, moi. Ouais. Ton toupet est encore là, par contre. Ça, c'est ouais, je aussi. Sais, j'ai vraiment de la misère avec mon toupet. Il ne faut pas que tu enlèves ton toupet parce que c'est ce qui fait Justine Renaud, le personnage. N'inquiète pas, je suis pas vraiment capable de l'enlever. J'ai pas comme. C'est pas une clip, là. Ouais. C'est pas comme Donald Trump, là. C'est pas faux. C'est pas un rat. C'est pas un furet. Bon. Où en étions-nous dans cette émission-là? J'ai aucune idée, mais ça, c'est ta faute. On est rendu au bloc 3 quarts des positions 13 et 14, donc on va sauter par-dessus quelque chose, c'est-à-dire Zoo, c'est Are You Gonna Waste My Time. On va entendre par contre Hellsong, c'est Salomé Leclerc. On débute en 14e position francophone. Avec Reine de France qui chante et ça finira dans un bain de sang. Toujours juste en avant du bateau qui mènera à la vie de croisière d'Assemblage Requis tout l'été. Dans de l'eau et non dans un bain de sang. Arc. Ah! Moïse sort de ce corps. Comme c'est

Et ça, ben, c'est dès le 3 mai. Numéro 13. 3 mai, 13h. Easily, I'm bothered by persistence. One step from lashing out at you. You want in, get under my skin and call yourself a friend. Well, I've got more friends like you. Is there no standard anymore? What it takes, who I am, where I've been, belong. You can't be something you're not. Be yourself. Around it's easy to achieve. You're quite a weak friends that sympathize. Hear the violence, they're playing you your song. Same friends tell me your every word. Is there no standard anymore? What it takes, who I am, where I've been, belong. You can't be something you're not. Be yourself by yourself, stay away from me. Songs et la pièce Walk, ça monte de 7 places sur leur album de reprise qui s'appelle Live with Members of the Gothenburg Symphony Orchestra, Hell Songs Long Live Lounge. C'est presque aussi long que le nom de l'émission d'aujourd'hui, ça. Hey, ça vaut cher au Scrabble, ça. Scrabble, comme diraient les Français. Scrabble. Les maudits Français. Hein? Ouais. Ouais. Quoi? Comme la confusion semblait régner tout à l'heure, avons-nous entendu la 14e place francophone? Oui, non, en fait, on n'a pas entendu la 14e francophone. Attends un peu. Okay, parfait, attends un peu. La confusion règne. Non, oui, on entend. Yeah, ben, je vais le faire parce que je pense que je sais qu'est-ce qui s'est passé. Je ne sais pas jouer dans l'ordre, c'est l'affaire. Donc, on a entendu ça, c'était Hell Songs. Avant, on a entendu Zeus avec Are You Gonna Waste My Time qui est en 14e position anglophone. Et on a débuté avec Reine de France et ça finira dans un bête sang. D'accord? Ça finira dans un bel sens. Oui. On va l'entendre, les positions numéro 12, les Delaware Chuck et Plants and Animals, tout en entendant aussi la position numéro 13 francophone pour débuter. Qui est Salomé Leclerc avec Partir ensemble qui monte de 4 places. Tu vois, on a remis ça dans l'ordre sans. Mais oui. C'était évident. Mal de mer parti. Comment? Le mal de mer est parti. C'est ça. Ben, le mal de mer, il va revenir le reste de l'été, je pense. Avec l'émission qu'on va vous fournir tous les jeudis après-midi à 13h, comme vous l'avez entendu tantôt. Et ça va rejouer les samedis à midi et les lundis à 15h. Tu vas être là, toi, Jasmine? Mais oui! Tu vas co-animer avec moi? Oh oui! Justine, elle va être là avec ses tartines, mais en fait, avec sa chronique à déterminer avec un Queer nom, Tartines. Queer Tartines. OK, ça sonne bizarre un peu. Ben, c'est queer. Écoute. Des tartines? J'étais pas au courant, tu vois? Écoute, je patauge. Je comprends que des tartines, mettons, avec deux tartines de butter peanut, squeeze ça ensemble, c'est gay. Non. Deux tartines de confiture, tu mets ça ensemble, c'est gay. Mais si tu mets beurre de peanut et confiture, c'est hétéro. Ah, mais ça goûte meilleur. J'aimerais pas ça, dire que les hétéros, ça goûte meilleur. Ben, c'est un exemple comme un autre, j'avoue. Ça marche pas. Ouais, non, ça marche pas. Bref, chronique gay avec toi cet été. Exactement. Moi, j'ai hâte. Ouais, t'as hâte de savoir qu'est-ce qui se passe dans le monde gay, qu'est-ce qu'on vous dit pas et toutes nos histoires. Vos histoires, nos, ça a l'air louche un peu. Nos histoires. Ouais, OK. Des histoires. Parce que nous autres, on loue pas des films 3X, on loue des films 3E. OK, oui, c'est... Ça n'a aucun rapport, ça justifiait juste mon bégaiement. C'est ça. Justine, la justificatrice, hein? Ah, OK, ben là, go, là. Bon. Fais quelque chose. Ouais. École. C'était pénible un peu, hein? Lourd. Lourd. Comme un éléphant à 5 pattes. Ouais, c'est vraiment les pattes qui sont les plus lourdes dans un éléphant, c'est connu. C'est la meilleure classe, c'est une nouvelle pièce, Jasmine. Merci. Tu vas aimer ça, je suis sûr. C'est ça. Parce que, mais je sais pas pourquoi je ne l'ai pas entendu la semaine passée, je m'en souviens pas. Mais j'étais pas là, c'est sûr. Ah! Problème réglé. Si on partait ensemble, quand se lèvera le vent, on pourrait faire la route sans. Que l'on tangue, je te montrerai comment on garde l'équilibre en se balançant. Si la nuit cache nos pas, c'est plus facile de voir. Si on nageait ensemble, quand se glaceront les eaux, 13. Plants and Animals et Light Show, ça descend de deux places en 12e en lot. Juste avant, on a entendu Salomé Leclerc avec Que partir ensemble qui monte de 4 places. Mm-hmm. On prend une petite pause légère, minuscule pause publicitaire. Après ça, on revient avec la chronique des tartines de Justine. La dernière pour l'instant et j'ose espérer, si tout va bien, la dernière fois qu'on va entendre ton intro comme ça. Oui, moi aussi j'ose l'espérer. Tanné de ton intro, je pense, toi. Oui. Ouais. Non, mais c'est pas que je tanné de mon intro. Tu l'as jamais aimé. Non, c'est pas ça. C'est juste que. Non. Elle fait pas avec toi. Écoute, j'ai écouté cette musique-là toute mon enfance. Ouais. Je peux pas dire que j'ai pas aimé ça, mais c'est juste que c'est pas ça. C'est pas ça, bon. C'est pas ça, c'est pas idéal. Bon, alors. Mais on attendra tantôt. Dernière fois pour te tomber sous les nerfs. Oui, magnifique solo de bass. Wow. Merci là. C'est assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. Toujours Vieux-Port de Trois-Rivières en direct du presque bateau de C'est fou, hein, parce qu'on est situé devant le bateau. Le bateau ne décolle, n'embarque que. Ne décolle? Décolle, c'est ça. T'avais un bateau volant, toi? Je mélange mes analogies bidons. L'embarquement se fait jeudi prochain, le 3 mai, à 13h. Nouvelle édition de la vie de croisière d'assemblage requis. Et là, ce que vous écoutez en ce moment, maintenant, c'est les Palmarès C'est fou présente l'équipage de la vie de croisière d'assemblage requis dans... Assemblage de qui vous montre un bateau 2012! Elle, l'as-tu l'affaire, Jasmine? Ça, c'était supposé être une trompette. Trompette. Ah, ça se mélangeait avec une mouette, comme, tu sais, c'est mouette, correct. Ils font pas le même bruit, ça. Oui, oui, c'était le but aussi. Ah, cool! Excellent! Super! Hey, là, on est dans l'ambiance déjà d'être devant le bateau. On l'entend faire aller son klaxon beaucoup trop souvent. C'est jouait, vraiment. Jack puis l'autre, là, la grand folle. Rose! Gilligan! Rose! La grande folle, Gilligan! C'est Rose, hey! C'est Rose! La fille, il n'a pas voulu laisser un lift à Jack là, sur sa, c'est sur sa porte. C'est dessiné tout nu, là. Je peux te dessiner tout nu! Il est trop tard pour que je descende du bateau? Il est où? Ils sont où les icebergs? Pendant que Mathieu est sur la proue. Hey, on pourrait, tant qu'à ça, tant qu'à être situé et parler de choses que les gens ne comprennent pas parce qu'ils l'ont peut-être pas encore entendu, on va aller retourner entendre la publicité de la vie de croisière d'assemblage requis de cet été. Sur le bateau que C'est fou nous a loué pour l'été. Je peux pas croire que vous allez passer l'été là-dessus à animer une émission. Je suis le roi du monde! Ok, j'ai la feuille du poule. Qui avait dit que Mathieu dirait ça en dedans de 2 minutes? C'est moi! Bravo François, 1 point pour toi. Hey! Peux-tu te dessiner tout nu? Est-ce que j'ai encore le temps de débarquer? Il est où l'iceberg pendant qu'il est sur la proue, lui? La vie de croisière d'assemblage requis, pour la première fois en 3D. À l'affiche tous les jeudis de l'été, de 13h à 17h. On rappelle, les samedis à midi et les lundis à 15h. Assemblage qui pour toi aujourd'hui? Hein? Hein? Hein? Ouais. Peux-tu te dessiner tout nu? Ça sonnait comme ça. Hein? On a crié ça dans le bureau. Il criait ça dans son bureau. Genre, on a l'air de quoi? Tu veux dire qu'on a répété cette pub-là et ça a donné ça? C'est comme malaisant. Justine Renaud, oui. Je me retourne vers toi. Oui. Est-ce que ta chaise amovible. Merci, oui, tout à fait. Amovible. Ouais, c'est amovible, c'est ça. Amovible. Est-ce que t'aimes mieux qu'on reste les yeux sur le sable dans la sur la plage pour entendre notre petit bateau à l'arrière, comme ça, mettons, pendant ta chronique, c'est selon. Ah oui, tu peux mettre un bateau. Si t'as envie. On peut s'imaginer l'odeur. Je mettrais pas un bateau, le bateau, il est là. Faudrait pas. On est dessus. On est dessus. Mais on n'est pas dessus, parce que dessus, c'est la semaine prochaine. Ouais. On est non, devant. Non, mais tu sais, les bateaux de secours d'alentour, là, c'était parce qu'il va falloir qu'on en craigne un puis qu'on en mette un sur le deck. Sur le deck. Ouais. OK, d'accord. Donc, on va t'accueillir tout de suite avec ta chronique, ça te va? Accueille-moi. C'est les tartines de Justine. Coin, coin, coin. Coin, coin, coin. Coin. Pas grave d'aller aussi vite. Moi, je les entends patauger des canards. Ils battent de l'aile pas mal, hein? Ah oui. C'est comme l'eau sur la peau de l'ours avant d'avoir. Fois, ils savent. Ouais. L'eau sur la peau de l'ours? Avant de canard, vend pas l'eau de l'ours avant les cornes devant le bœuf. C'est ça. Avant les cornes devant le bœuf? C'est ça. Je pensais qu'ils vantaient des portes de garage. Non, portes de garage. ça a jamais été dans ça. Ah, est-ce que je me trompe avec l'émission dans une galaxie près de chez vous? Là, ah. La nuit porte de garage. Ouais, il y a des fraises. Excellent. Bon, hey, tartine, tartine aux fraises. Je tartine aujourd'hui du Radio, groupe que j'ai présenté un peu l'été passé. Je sais pas si j'ai vraiment fait une chronique ou à quel point j'étais mature dans mon cheminement de chroniqueuse. Étais-tu vierge radiophonique? Je pense que j'étais quasi vierge radiophonique. Je pense que c'était ma première fois, puis on venait de parler des... Festivois. Hey, aujourd'hui, sérieusement, là, j'ai vraiment de misère avec mes mots. Mais on revenait du Festivois et on venait parler avec Stéphanie Gagné de Radio. Feu Stéphanie Gagné? Non, elle est pas morte. Elle est juste partie. Non. Elle dit pas ça. Or, Radio, je reviens avec eux cette semaine, bien entendu, parce que vous le savez tous, leur nouvel album, Havre de grâce, est sorti tout récemment. Or, je vais vous présenter un peu qui ils sont, pour ceux qui ne le savent pas encore déjà, parce qu'on entend vraiment beaucoup parler d'eux récemment. Oui. Et aussi, on va aller écouter deux de leurs chansons, dont une qui est dans le palmarès Donc, Radio Radio, un groupe rap électro-canadien. Ils sont canadiens, ils viennent pas de n'importe quel autre pays avec leur accent. Et en fait, ils viennent tout simplement de la Nouvelle-Écosse. Moi, j'étais convaincue qu'ils venaient Nouveau-Brunswick. J'étais convaincue qu'ils venaient du Nouveau-Brunswick. Mais non, ils viennent de la Nouvelle-Écosse, quand même. L'accent est similaire ou... Oui, l'accent est similaire parce que si t'écoutes parler d'Isa Leblanc qui vient du Nouveau-Brunswick, puis t'écoutes parler eux autres qui viennent de la Nouvelle-Écosse, m'a dit que dans un party, eux autres ils se comprennent, mais il n'y a pas personne qui les comprenne. Toi, j'aime mieux entendre parler d'Isa Leblanc que chanter, et j'aime mieux entendre chanter Radio-Radio que parler. Ouais! On comprend rien. Non, mais c'est pas nécessairement qu'on comprend pas leurs mots, c'est que eux sont comme dans leur propre monde et vont baragouiner n'importe quoi pour te mêler. Mais eux autres, ils exagèrent. Mais tandis que Lisa Leblanc, quand elle dit call-moi là, là c'est assez clair. Là, on comprend ce qu'elle veut dire. Ouais. Tandis que Radio-Radio, quand elle dit. Avec mes. Je sais pas quoi, là. Ils chantent plein d'affaires. Non, écoute, il y en a trop qui pourraient pas te réciter aucune de leurs paroles. Je pense pas que je m'en souvienne vraiment. Donc, la raison pour laquelle ils semblent baragouiner, en fait, c'est parce qu'ils parlent le français acadien et le chiac dans leurs chansons. Oui. Ils parlent, ils le chantent, ça dépend. Parce que, bien entendu, c'est un groupe à influence rap, beaucoup, beaucoup, et encore plus dans leur album, Havre de grâce, qu'on entend vraiment là, des influences hip-hop, rap, avec beaucoup de musicalité, beat très lent, en fait. Là. C'est un album que j'ai trouvé beaucoup plus lent que Belmundo Regal, qui est sorti il y a 2 ans, 2010, et différent, quoique je trouve qu'il ressemble encore un peu plus à l'album Cliché Hot qui est sorti il y a 4 ans, en 2008. Celui avec Jacuzzi dessus, entre autres. Exactement. Jacuzzi qui a vraiment pogné beaucoup. Et Cliché Hot aussi. Cliché Hot qui a pogné vraiment beaucoup aussi. Mais encore plus Jacuzzi, là, juste à cause de leur annonce. Telus. C'est eux autres dans le Jacuzzi? Oui. C'est eux autres dans le Jacuzzi. Exactement. Si j'y étais. Voilà. Alors, c'est ça. Alors, avec leur gain de popularité, bon, c'est sûr, ils ont fait un superbe album de Belmundo Regal que j'ai adoré. Et Havre de grâce, cette année, qui m'a légèrement déçue. Sauf que je vais vous avouer que la première moitié de l'album, j'ai vraiment adoré. L'autre moitié, beaucoup plus lent, traîne un peu les pieds dans les beats. Les beats sont très intéressants, mais la chose, c'est qu'ils sont extrêmement lents. Oui, c'est vrai. C'est très rap. Puis je suis pas à la base quelqu'un qui aime le rap. Mais si vous aimez le rap, les bons beats, quelque chose de plus smooth, écoutez sur le bord de la piscine, n'importe ou quoi. Ou proche d'un bateau, proche d'un port, bateau, ouais. Sur la poule, la coque ou le whatever d'un bateau. Le coq. Je connais vraiment pas les parties du bateau. Non, à bâbord et à tribord. Si tu prends une cape à quelqu'un, en tout cas, il faut que tu y redonnes. Fait que c'est ça. Faut faire attention avec ces affaires-là, puis ça vous appartient. Pas. Mon corps, ce n'est pas le tien. T'as pas jamais chanté cette chanson-là? Non. En tout cas, le cap, là, tu le laisses à l'autre. Donc, tout ça pour dire que. Jasmine est à terre en ce moment, elle comprend rien. Hein? Jasmine n'est pas à terre, elle est assise. Ouais, découragée. Bizarre. C'est que moi, j'ai une excuse, je suis en période d'examen, puis j'ai plus de neurones. Donc. Bref, tout ça pour dire qu'on est en train de parler de l'album et je voulais juste mentionner avant de nous envoyer sur la chanson. Ah, des faits cocasses! Comme moi, j'avais remarqué qu'à la dernière épisode d'Infoman de l'année passée, c'est-à-dire en 2011, il y avait une chanson de Radio Radio featuring. C'était vraiment bon. C'était excellent. Pour vrai. Moi, sérieux, ça m'a vraiment surpris, la chanson d'Infoman, que c'est ça exactement. Ils sont tout le temps bonnes, mal à jupe, ils sont vraiment forts. Ouais. Infoman, je les aime bien. Carquois, la plus récente, c'est Carquois, c'est excellent ça. Cette année, c'était Carquois. C'est Carquois, je crois. Ah, j'étais convaincue que c'était cette année que j'avais entendu Radio Radio, mais ça se peut que ce soit l'année passée parce que j'ai connaissé déjà à cette époque. Mm. OK, exact. Bon, voilà, vous m'excuserez. C'était en 2010. Mais tout ça pour dire que, ouais, bon goût, Jean-René Dufort avec ses cheveux longs laits. Alors, autre chose aussi, saviez-vous que sur Wikipédia, il y a quelqu'un de l'UQTR qui a écrit... Je cite, le 15 septembre 2011, Radio Radio était de passage à l'Université du Québec à Trois-Rivières pour le spectacle de la rentrée des étudiants. C'est tellement en fait, pas cette information, marquant. Wow. Mais c'est ça, mais c'est une information vraie. Oui. Ils l'ont mis. Et c'est marquant pour nous, mais pour Radio Radio, c'est loin d'être dans leur top 100 des choses non, les plus importantes qu'ils ont faites. Mais c'était un excellent spectacle. J'y étais. J'ai vu le califourchon d'Alexandre Arthur Bilodeau, je pense. Ah, ça se peut que ça allait. Ça je mêle le califourchon des fois. Hein, c'est... Oui, je me mêle le califourchon, mais en tout cas, il était déchiré. Puis on est à front row, c'était excellent. Ils nous suaient dessus et tout, là. C'était vraiment un excellent spectacle. Et voilà ce qui m'inquiète un peu avec Havre de grâce. C'était un pick-up beat un peu avec Belmundo Regal. C'était un petit peu plus rapide. Puis là, j'ai l'impression que les spectacles vont être un petit peu plus ennuyants. J'ai peur parce que moi, un spectacle avec un beat slow, je vois pas comment tu peux faire lever ça, là. À moins que t'aies un fusil puis que tu tires dans les airs en criant « You motherfucker! » Bref, mais c'est ça pour moi que ça l'évoque, le rap, c'est plate. Oui, oui, ouais, gangsta. Un show de rap, c'est gangsta. Tu peux pas sauter ou bouger. Mais c'est pas juste ça, là, tu généralises. Je généralise vraiment beaucoup. Il n'y a pas personne avec des fusils. Là, ben non, même pas. Non, c'est ça. Les rappeurs, c'est à peine sûrement quoi, 80%, 90% qui sont comme ça. Ouais, c'est ça. Là, c'est presque rien. C'est pas relatif. C'est pas significatif. On va tout de suite aller écouter une des premières chansons que j'ai vraiment aimé de leur album, parce que comme je vous rappelle, c'est pas du tout un flop total. La première moitié de l'album est excellente. Alors on va aller écouter tout de suite la deuxième chanson de leur album qui s'intitule Gang Hotel. Radio, radio. Dans les tartines de Justine. The Tartines. Au palmarès, c'est fou. J'adore ça comment tu m'introduis, parce qu'à chaque fois, j'oublie que je suis dans mes tartines. Ben là, parce qu'à un moment donné... C'est au Nutella compliment. Ça beurre, cette affaire-là. Exactement. Ah non, le Nutella compliment, non. Il est pas bon, hein? Seulement le Nutella qui est bon. Ben non, il y a Nutella, ou Nutella irrésistible. Le Nutella complément, c'est pas bon. Ah. Je suis désolée, je veux pas faire de la mauvaise publicité à Métro. Non, à IGA. Mais c'est passé, puis irrésistible, c'est moins passé que Métro. En tout cas, moi, j'aime pas le Nutella d'IGA. Je suis désolée, j'ai. Je fais de la mauvaise publicité, vraiment gracieuse. C'est compliment. Ouais, mais non, c'est que j'ai mangé ça un matin. C'était ça qu'il y avait sur mon bagel avec un poil de chat. Okay, que je vous ai compté tout à l'heure, gang. C'est ça, ceux qui étaient là. Allô, on suit. Hello, hey, wake up. Wake up, là. On s'en va écouter Gang Hotel. Dans les tartines. Sur la lune, c'est le plié au fond sans baser. C'est juste le gang dans le gang hotel. C'est le plié au fond sans baser. How? Yeah. Bobby, Some man, so fuck the details, straight to retail. I mix and match pizza straight to retail. Ça sur la lune, c'est l'os de US, c'est supposé. Ça sur la lune, c'est l'os de US, c'est supposé. Avec ma Canada arm, j'ai ma Canada grab. I say the grasp in my grab, puis là j'suis rendu tout sad. À cause de la Canada arm, et puis rendu dans les espaces. Quelqu'un m'a dit que t'es dans mon espace. So va passer des passes dans ton espace. So used to go. So man, so fuck the details, straight to retail. Singing dance, take a chance, lay back, sing my stance. Tu commences à voir, c'est la last chance for romance. Stick around, call it down, I'm a band, moi j'suis bound. Avec ma tripe, swing les sound, prove a candle, lost and found. Cheating crush, Uncle Sam, new age, commence the slams. Pinstripes, baby wives, we the god, yeah, we the man. Gaspé bien, mange ta coude, j'suis un VX sur la rue. Open road, on the road, bring me back, I'm coming home. Bring me back, I'm coming home. Bring me back, I'm coming home. Moi j'suis là que j't'écoute t'apprendre un SM. Ça c'est que c'est dur à comprendre. Puis moi j'suis dur à comprendre. La compagnie est rare. Au moins on peut s'entendre. À faire check à faire. Sur les bonnes check à faire. Le savon check à faire. Elle le monde check à faire. J'le comprends. Sur la lune ou sur la terre. Mais bizarre. On peut se rencontrer le soir. Regardez l'univers. Voilà c'est next door. Et bien c'est right next door. Love it tout le temps plus. Votre casse tu restes next door. J'ai move in, j'ai move out. J'ai shake it all about. Moi j'suis déjà back me. À la plage j'ai ta gomme. Ma chaque on a clé. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da

au Francofolie de Montréal le 14 juin et sera également au Festival d'été de Québec qui se tiendra du 5 au 15 juillet. Alors, ce sera super intéressant. D'ailleurs, Festival d'été de Québec qui promet ça de très bien bons artistes. Ouais. Hey, j'ai la programmation un petit peu du festival. On voulait en parler rapidement. Oui, je l'ai, là, mon Internet marche. Bon, ben vas-y donc, voir. OK, les voix populaires. Popular Voices. Isabelle Boulay, les Cowboys Fringants. Hey, nomme juste ceux qui nous vont à nous, je pense. Jean Leloup. Jean Leloup. La première partie de Jean Leloup étant Antoine Corriveau. Cool. Ah, j'ai cool. Ça, c'est après bon, ça, Grégory Charles. Après, un hommage à John Cash, Vincent Vallière, Jimmy Hunt. Tout ça, c'est cool, je l'aime. Oui, oui. C'est Sylvain Cossette, Galaxie. Ah, hey, une Galaxie. Radio. Wow. Hey, là, je capote. Ces noms-là, ils étaient pas là la semaine passée. Je commençais à déprimer un peu. Tu sais, parce qu'avec Grégory Charles... Live comme ça, tu capotes. Hey, non, mais Marc, il faut pas que ça se... Faut pas... Non, attends. Check bien ça, ils vont mettre Mystère Valère, Radio, tout en même temps. Soir, ouais. Tout en même temps. C'est là, la tactique. Oh mon Dieu, je vais tellement déprimer. Ouais. Ah, oh, puis ça, c'était juste des voix populaires. Ouais, puis mettons, wow. Au Nord-Ouest, le 28 juin, comme je disais... Bar Brothers. Deux tantôt, les Bar Brothers vont être là le 28 juin. Ah, ça va être excellent. Au Nord-Ouest. Mm-hmm. Puis on ne le dira pas tout, mais en tout cas... Mais il y en a plein d'autres, Random Recipe. Oh, Random Recipe! Oui. Ah, oui. Bears of Legend, They Call Me Rico, qu'on adore. Ouais. Oui. Florence, quoi, moyennement, t'as un peu, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Faut sauter quelques jours, il y a des jours où il n'y a absolument rien. Ça aussi, on saute ça. Ça aussi, on saute quand il n'y a pas grand-chose. Hein? On dirait pas si... Jimmy Hunt, que t'as pas nommé. Ouais. Jimmy Hunt. Oui, elle l'a nommé. Jimmy Hunt. Elle l'a nommé. Ben, parfait. J'écoutais à moyennement. Two Green Cats, des Mardi de la Relève. Oui. Ouais, il y a une soirée complète. Ben, en tout cas, plusieurs, les gagnants des Mardi de la Relève qui vont être quelque part là-dedans. Ça, c'est tout à fait intéressant, ça. C'est vrai. Qui d'autre? C'est les voix de la Relève, Voilà, ils sont sur la scène Rhythm FM, fait que non. mais bon, moyennement. Bradycardie, formation locale qu'on adore. Check ça, elle faisait des sourcils. Mais non, c'est ça. Grimmskunk? Non, mais les gagnants des Mardis de la Relève, vendredi 6 juillet sur la scène Rhythm FM. Oh mon Dieu, je suis tellement contente que Random Recipe revienne. Je suis tellement sûre que c'est à cause de moi. Puis eux autres, ils vont faire partie de ma chronique gay, ça, c'est sûr. Yes! Parce que j'ai déjà demandé à Fab un bec. Oh! Catherine Major! Hey, Catherine Major! Cool, hein? Elle aussi, elle torche. Elle crie, elle est plus capable. Non, ouais, Catherine Major. Ah, ouais, ça va être trop cool. Justine, tu parles de ta chronique gay. Ça va être à partir du. En fait, ça va être la deuxième semaine, le 10 mai. Oui, exactement. Pas la semaine prochaine, parce que je vais être en congrès dans un hôtel amérindien. Oui. Ben, le fameux hôtel à Québec, le plus bel hôtel qu'on a au Québec, je vais être là, en train de présenter des. Non, en fait, je ne serai pas en train de présenter, mais je vais être en train de regarder des gens qui présentent des résultats sur les maladies neurodégénératives et ça ne vous intéresse point, mais je voulais vous partager. Donc, ta collègue, dès le 10 mai, nous, à la vie de croisière d'assemblage requis, va commencer le 3 mai, donc on va s'ennuyer de toi une semaine, mais il y aura tout plein d'autres gens pour. Exactement, puis je vais me trouver une belle chanson. Oui. Gentille, qui fit et qui est gay, c'est ça qu'on voulait. OK, gars. Justine, je sais que t'as jamais aimé ton thème. C'est correct? Je suis pas en train de te dire que j'aime pas le thème. Je suis en train de te dire que c'est pas ça. C'est pas approprié. D'accord. Mais c'est pas approprié. J'ai trouvé ça vraiment drôle, par exemple, que tu choisisses ça. C'était une méchante coïncidence. Tu m'as jamais donné d'autres chansons pour compenser. Donc, pour te punir de ta non-collaboration. Oh non, tu vas pas le remettre. Oui, en fait, on va aller entendre les deux pièces qui composent ton thème. Ah! Tout à l'heure, on entendra Brand New Day, la chanson titre. Oui. Mais pour l'instant, voici BND, l'intro. Oui. Ça te va? Oh my God. C'est vraiment drôle. Merci, Justine. Ça t'apprendra. Ça fait un plaisir. Je vais vous quitter là-dessus. Bye. Bye. Je veux un petit peu de bass pour finir. C'est rare qu'on entende No Doubt, assez fou. En effet, ça, c'était deux pièces qu'on a entendues en hommage à Justine Renaud parce que son thème était composé de deux pièces de No Doubt. Oh. C'était Brand New Day, précédé de BND, la pièce qui ouvre l'album Brand New Day. Et moi, j'adore ça parce que j'étais un grand fan de No Doubt jusqu'à leur album Tragic Kingdom. Après ça, ils sont devenus populaires, ça a comme des sens de mon estime. C'était le hipster. Un petit peu, hein, c'est plate, mais des fois, ça arrive, ça. Mais bon, on va retrouver Justine, comme je disais, tous les jeudis dans la vie de croisière d'assemblage requis. Mais nous, l'émission commence le 3. Elle va être là à partir du 10 mai. Voilà. Super. Ouais, on va terminer cette heure des palmarès et fous là. Il va nous rester une troisième heure. Et évidemment, on va devoir sauter par-dessus plein de choses. On fera un résumé de tout ça tout à l'heure. On a aussi les instants classiques d'assemblage requis de cette semaine qui s'en viennent. Et on va parler aussi de l'événement du 1er mai qui aura lieu ici à C'est fou de 11h à 19h. La grosse émission de fin de session animée par Mikey et Antoine, donc de Choc, ainsi que moi-même. C'est ça. Merveilleux! Ça te va, ça? Ben oui! Tu vas être là, puis... Ben oui! On va peut-être faire des niaiseries, là. Oui. Peux-tu me dessiner tout nu? Non. Non, non, non, non, pas aujourd'hui. Non. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. Bon, retour, c'est la troisième et dernière heure de cette édition d'une émission spéciale, en fait, qui s'appelle Les Palmarès et Fous présentent l'équipage de la vie de croisière d'Assemblage Requis dans Assemblage Requis. Vous monte un bateau 2012. Ouais. Ou encore, comme on l'appelle souvent, LPCP, ELVD, AR, AR, VMP, 2012. Bon, ça veut juste dire. Donc, oui, c'est accessoirement les Palmarès et Fous pour la semaine du 23 avril au 13 mai. En fait, c'est une longue période de 3 semaines. Pourquoi? Parce qu'à partir de la semaine prochaine, le 3 mai, jeudi, entre 13h et 17h, ce sera la vie de croisière d'assemblage requis. Et on va vous présenter, semaine par semaine, le top 20 franco et le top 20 anglo. Mais tu sais, une semaine chaque. 20 franco, 20 anglo. 20 franco, 20 anglo. Entremêlés de plein de chroniques ça, toutes plus merveilleuses les unes que les autres. Ça pullule de partout, ça rentrera même pas dans notre émission, mais c'est pas grave parce qu'on se lâche. On dépasse tout le temps. Ben oui, de toute façon, who cares? Who cares? So what? Guess what? What? Donc, on va sauter maintenant par-dessus plein de choses, ça te dit? Guide-moi et je parlerai. Crois-moi, on va devoir mettre de l'ordre là-dedans. On va y aller avec des blocs spéciaux. En fait, il va y avoir un représentant de chaque bloc de 4 pièces pour le prochain bloc, d'accord? Donc, pour représenter le bloc des 10e et 11e, on n'entendra pas Daran avec Kennedy, ni Lisa Leblanc avec Cerveau Ramolli, ni Bad of Scores avec Lay My Head Down. Donc, par processus d'élimination, on va entendre The Mars Volta. Super! Avec La Pochka. Ensuite, on n'entendra pas ni Les Fils de Brut, ni Islands, ni ni Topanga. On va entendre, pour représenter les positions 8 et 9, la formation Audionaute, formation locale, avec leur extrait Métropole. Évidemment, Audionaute qui sera sur la scène du Festivois, étant donné qu'ils sont les gagnants des Mardis de la Relève 2012. Hein? Et ensuite, pour représenter le bloc des 6e et 7e positions, il n'y aura pas Canaille, David, Giguère, ni Trust. On va entendre The Shins. Oui! Avec Simple Song qui est stable. Je te fais plaisir, hein? Ah oui! Mais c'est fun. Et non seulement The Shins est choisi pour représenter ce groupe de positions, mais c'est aussi parce qu'on va faire tirer des vinyles de The Shins dans la prochaine émission. Donc, pour la première de la vie de croisière d'assemblage requis, plusieurs albums en vinyle de The Shins. C'est le fun, hein? Mais oui! Hey! J'aimerais donc être une auditrice pour pouvoir téléphoner et gagner. Mais malheureusement, les employés de C'est fou ne peuvent pas gagner. Hein? Je ne suis pas employé, mais je ne gagnerai pas parce que j'anime. C'est ça. Employé, barre oblique, animateur, barre oblique, chroniqueur, barre oblique, tous ceux qui travaillent autour d'eux. C'est fou, ne peuvent pas gagner. Mais en tout cas, on sera content pour ceux qui gagneront. Et voilà. Mais oui. Et voilà. Donc, voici nos représentants tout à l'heure, The Shins et Audionaute. On débute avec quoi déjà? The Mars Volta. Oui, c'est ça. Je me suis fait des petits dessins. C'est pas clair. Non, je sais, mais à un moment donné, c'est comme tout barré, ça. Ça devient compliqué un petit peu. Restez là, tantôt, il y aura les instants classiques d'assemblage requis. Stone. Could be just nothing else in Simple Song, c'est les représentants des positions 6 et 7 de chaque côté. Donc, c'était en position numéro 7 anglophone. Avant ça, on a entendu la position numéro 8 franco. Qui est audionante avec Métropole. Oui, ça représentait le groupe des positions 8 et 9. Et pour représenter les 10 et 11, on a entendu The Mars Volta avec La Pochka. Ça monte de 8 places, c'était de vous la semaine passée. Si on fait un petit résumé de ce qu'on a sauté sans dire les positions, parce que ce serait trop compliqué à comprendre. Band of Skulls, Topanga, Islands et Trust du côté anglophone. Du côté francophone, je m'essaie avec les... Tout sauf audio-no, finalement. C'est ça. Les Delaware Chuck, on les a entendus. On les a entendus avec Belisa Leblanc, Daran, les fils de Brut, David Vigard, Canaille. Et voilà, tout à fait. Tout à l'heure, on entendra Fanny Bloom et You Can't Blonde. Mais avant ça, je pense que c'est le moment, toujours en direct du port de Trois-Rivières, en train de quitter presque sur notre bateau de croisière pour la version estivale d'Assemblage Requis. Toujours à l'émission qui s'appelle Les Palmarès C'est Fou présente l'équipage de la vie de croisière d'Assemblage Requis dans Assemblage Requis vous montre un bateau 2012. Ouais. Maintenant, c'est les instants classiques d'Assemblage Requis. Voici les meilleurs moments d'Assemblage Requis pour la semaine du 23 avril 2012. Bon matin, moi c'est Mathieu Plante. Et lui, c'est Mathieu Plante. Oui. Mathieu Plante deux fois. Mathieu Plante deux fois, hey, hein? Un sans masse, hein, je pense. La température t'affecte pas? Non? Il a chaté, non? Non, il fascine que non. OK, a perdu l'usage de la parole. Un chat lui a mangé la langue. Miaou. Miaou. Miaou. Allô? Miaou. Miaou. École. Hey, j'allais bien, hein? Ça a l'air d'un vrai. Puis c'est un petit matou. Un tout petit un petit chat. 8h36 minutes en ce lundi plus vieux. En tout cas, il est pas moins jeune. Hein? Il est pas moins jeune. Il est plus vieux. Ça va pas. Si on a de la chance, on va avoir Sébastien Dulude. Ça, peut-être. Potentiellement. Peut-être. Probablement. Probantiellement. Probantiellement. Je vais combiner les deux. Les fils de Brut. Voici la Malavine. FFM, c'est fou. À Trois-Rivières. Cette ville n'est pas assez grande pour nous deux. Patrick Watson avec Into the Giant, ça finit comme ça. Avec, ça finit comme ça? Oui. Ben, ça doit continuer. Ben, sur une autre pièce sur le CD, j'imagine. Pour l'instant, on prend une pause. Une petite pause. Est-ce que je peux finir quelque chose d'autre d'abrupt comme ça? Peut-être juste ça. Comme... Comme la pièce de Patrick Watson. Ouais, et, ben, j'aime ça, moi, abrupt. C'est interruptus, comment on appelle ça? Interruptus? Interrompu, là. Qu'est-ce qui est interrompu dans la vie? Ah, oups, il l'a dit. C'est pas. Puis il l'a dit. C'est pas Mathieu Blanc qui l'a dit. Non, non, non. Il s'est retenu. Oh, c'est ce qu'il disait hier, d'ailleurs. Hein? Sunrise All-Inclusive War Tour featuring Poncho French sur l'album Have de Grâce de Radio Radio. Hein? C'est en anglais, ça? C'est de l'anglais. Thank you, Mr. Oh, sir, yeah. My good sir. Bonne journée. Bye. Bye. Ben là, tu voulais que je te dise. Je sais bien qu'on dit 15 fois bye dans l'émission tout le temps. Bye, bye, bye, bye, bye, bye. Hey, bye. Une fois de trop. Bon, c'est rendu que Jasmine est obligée de se cacher de François tellement il est tannant avec elle. Hey, il est vraiment gosse, hein? Ben non. Ben non. Ben non, ben oui, mais tu sais, ben oui. Non, c'est parce qu'il y a une manière de me parler, tu sais. Puis, quand t'es pas poli, ben écoute, je deviens tannant. J'ai demandé de m'ouvrir la porte, puis il a pas voulu. Parce que j'ai pas dit s'il vous plaît, via un message texte. C'est quoi le code secret? Ah, il t'a écrit un message texte. Non, c'est moi, j'ai dit la porte. Il manque le s'il te plaît. J'ai dit, ah ouais, s'il te plaît. Bah non, ça me tente plus. C'est Félicia Tête de Tigre, je pense. C'est vrai, dans Fort-Boyard. Félindra. Mon chandail, là, c'est pas grand papa. Mais on dirait. On dirait, on a vraiment l'impression que c'est ça. J'approuve. Ça y ressemble. Mais là, c'est les deux chialeux dans les mopettes. Tu sais, ceux qui sont tout le temps en haut au théâtre puis qui chialent contre les mopettes puis qui disent, voyons, qu'est-ce qu'on fait ici? C'est quoi cette affaire-là? C'est normal de la main. Ouais. C'est eux autres, c'est dans les mopettes. Ah. Maintenant, on accueille David Ferron. Ça te va? Oui. Parce que c'est la chronique Graines de Pivot. On va juste se mettre dans l'ambiance un peu, enlever notre par-dessus. Et nos bas. Détacher la ceinture. J'ai hâte que t'enlèves ton chandail de grand-papa Bi. C'est les vieux dans les mopettes. Bon. OK. Et non. Colin. Ben non. Oh. C'est grand-papa Bi et son chum et son mari, je pense. L'as-tu commandé sur Internet? Non, Walmart. Ah. Ouais. Ça arrive. Il est beau quand même. Merci. Qui c'est, Mathieu? Entre autres. Entre autres. Oh, c'est flatteur. Charge, c'est flatteur. Bon, ben, je vais vous laisser. Barre la porte. En direct des studios de C'est fou à Trois-Rivières pour pas mal la dernière fois en direct. Oui, exactement. C'est triste, mais c'est comme ça. On a un peu de peine. Un petit peu de peine, mais ne vous en faites pas. On va être quand même là tout l'été, mais à partir du bateau que C'est fou loue à chaque été depuis quelques années. Justement, on va envoyer la facture à Mathieu Blanc. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, comment je suis garni de la poche. Hein? ma poche est... Et garni. Écoute, Mathieu, on va parler un peu de la programmation du festival ici. À Trois-Rivières, c'est à Trois-Rivières, exactement. Ça se déroule du 28 juin au 8 juillet. J'ai entendu dire qu'il y a un petit spectacle des Mardis de la Relève là-dedans. Oui, le gagnant va se présenter sur scène. Et ça va se dérouler à 20h le vendredi 6 juillet. Sur la scène... Sur une des scènes. Ouais, c'est, on va dire une des scènes, parce que... C'est la scène rythme FM, ça n'a pas vraiment rapport. Ça serait fun d'avoir notre scène. Ben oui. Écoute, la scène, c'est fou, c'est genre... c'est une chaise. Non. De toute façon, il était vendu trop maigre. J'ai le cœur congressé, mais c'est correct. De toute façon, il était rendu trop maigre. T'as raison, je viens de changer d'avis complètement. C'est fabuleux. C'est fou. Hey, hey, hey. L'indice de sarcasme est à son plus. Ça pique là-dedans. Lisa Leblanc avec Kraft Dinner. C'est OK, c'est peut-être pas l'extrait que j'aurais dû choisir pour me convaincre d'aimer ça. Lundi, à Assemblage requis. On vous présente les chroniques préférées de nos animateurs au cours des deux dernières sessions, soit l'automne 2011 et l'hiver 2012. Il y a plein de monde là-dedans. Ça se pile dessus. Ça rentre à peine. Je peux même pas mettre tout le monde dedans. Tellement... Ah, laisse donc faire. Lundi, 7h à 9h. Tu riais de moi, hein? Ben, je trouvais ça drôle. C'était très drôle. Ouais, je trouvais ça drôle. Une de mes préférées, je pense que je vais la rejouer, celle-là. Un coup de Reine de France, voici, ça finira dans un bain de sang. C'est comme un tape pogné, ça. Une cassette, là. Une cassette. Ouais. Mets-toi un crayon là-dedans, puis twist un peu. C'est les meilleurs moments d'assemblage requis. Dans un bain de sang. dans un bain de sang. Blablabla. Ouais, langue fofue, c'est le même quand t'es pressé, ça arrive. C'était les meilleurs moments donc, d'Assemblage requis pour la semaine du 23 avril 2012. C'était la dernière semaine de la version quotidienne d'Assemblage requis, mais comme vous le savez, parce que je l'ai dit comme combien de fois à date? 22 fois. On reste, on est dans l'émission... Là, présentement, là, ouais. C'est la transition entre les deux, okay. ça s'appelle les palmarès, c'est fou, présente l'équipage de la vie de croisière d'Assemblage requis dans... Assemblage requis vous monte un bateau 2012. C'est simple, là. Je comprends pas, les gens comprennent pas. Là. C'est comme assez évident. Donc, la semaine prochaine, ce sera la vraie édition La vie de croisière d'Assemblage requis, co-animée par moi-même et Jasmine Raymond-Drainville. En fait, pour être poli, c'est Jasmine Raymond-Drainville ainsi que aussi Mathieu Plante. Moi-même et toi-même. C'est ça. Toi-même et moi-même. Faut commencer par l'autre personne, c'est plus poli, hein, c'est oui. ça? C'est ça. Ok, ça va être ça. C'est la semaine prochaine, jeudi 3 mai, entre 13h et 17h. Ça joue les samedis à partir de midi et les lundis à partir de 15h. Et là-dedans, il y aura tellement de chroniqueurs qu'on ne peut plus les compter. En fait, je pense qu'il y en a comme 8-9. On va avoir plein de gens. Mathieu Roy, ça va faire, il va faire une chronique nautique. Okay. Kim Bergeron avec une... Oui, je sais. Il y a déjà... Mathieu Roy, quel... être fantastique. Quel drôle garnement. Le personnage. Oui, en effet. Ensuite, Kim chronique Bergeron. Chronique nautique. Qu'est-ce que Tribord et Ballon? Kim Bergeron, chronique artistique, chronique, tu sais, art, mais musical plus, style comme genre, comme style. On a aussi Anne-Julie Durocher qui va faire une chronique artistique, mais plus peinture, théâtre, tu sais, at large, comme art et spectacle. Moins auditif. Exactement. Ensuite, on a David Ferron qui va continuer sa chronique Graines de pivot sur la culture francophone à travers le monde, que ce soit l'Afrique, l'Asie, les États-Unis, tout ce qu'il y a de francophone, le Canada anglais, peut-être Lisa Leblanc va être là-dedans, on sait pas. Donc, il y a lui. Ensuite, on a Justine Renaud qui va faire sa chronique gay. Qui n'a pas encore de nom, mais on a très, très hâte de l'entendre. Ensuite, on a Simon Fitzbé avec une nouvelle chronique cette fois-ci. On n'explique pas trop parce qu'on veut garder en surprise. Puis si on explique trop ce qu'il y a autour de ça, ça va devenir plate. Faut comme qu'on y aille, tu sais. Graduellement. Ça va être drôle, ça va être malaisant. Ça va être pas mal de fun. Qui d'autre, toi, tu vas être là? Ben oui. Donc, est-ce que tu vas faire tes consignes une fois de temps en temps? Bon, je vais y aller à chaque semaine avec... Au feeling. Est-ce que j'oublie quelqu'un? Je suis sûr. C'était à moi d'écrire une liste, hein, tu me diras. Mais oui. Donc, plein de gens, plein de chroniqueurs, plein de matelots. Toi, c'est matelote. Tu me croyais pas, mais ça existe, le mot matelote. Mais j'aime ça. C'est beau, hein? Oui. Quelqu'un est ça, matelote? Ouais, c'est coquet. Donc, c'est à partir du 3 mai, jeudi prochain, à 13h. Pour l'instant, on va aller entendre notre prochain bloc. On va faire un bloc. D'habitude, on fait des blocs 3 quarts, tu sais, où on joue 3 pièces sur 4. Là, on fait un bloc moitié. Moitié, genre, moitié qu'on joue pas, moitié qu'on les joue. Hein? Donc, on ne jouera pas des positions numéro 4. C'est-à-dire Robopop en franco et Fred en anglo. On va écouter les cinquièmes positions. Du côté anglophone, ce sera You Can't Blonde avec Stairway qui monte d'une place. Mais nous commençons avec Fanny Blue, mais respirez la fumée. Au 89 FM. Oui. Déjà 4 saisons. Thank you. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89-1. Numéro 5. I'm hoping, that I could be home right now. The feel of the breeze, the smell of the trees under my brow. C'était Yukon Blanc et Stairway en position numéro 5. Ça monte d'une place du côté anglophone. Oui, hein, juste avant, on a entendu Fanny Bloom avec que respirer la fumée. Cela est tout à fait vrai, Jasmine Raymond-Drainville. Oh oui. C'est chic, hein? Toujours à l'avant du bateau, en tout cas proche du bateau qu'on voit au loin de nous parce qu'il nous guidera tout l'été en croisière avec la vie de croisière d'assemblage requis. Donc on est encore une fois sur le port en train d'animer cette émission-là de façon tout à fait crédible et c'est pas tout le temps du tout la même sirène de bateau au même moment à chaque fois qu'on vient en onde. Puis ça fait pas 12 fois qu'on nomme l'émission complète aussi. Non, et c'est pas les mêmes oiseaux qui crient sur le même rythme. Non. Non plus, ça, c'est vraiment dans votre tête. On est vraiment sur le bord de l'eau. Je peux me rapprocher si on veut pour entendre vraiment de près. On s'y croirait, parce que c'est vrai. Ouais. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller entendre les instants classiques, mais version numéro 3. On a déjà entendu les poèmes de François-Olivier, puis dans l'émission, on a entendu les moments de la semaine du 23 avril. Mais là, ce qu'il nous reste à entendre, c'est ce que tu voulais entendre le plus. La chronique de Simon Fitzbeuil de ce matin. Oui, parce qu'il nous a rendu hommage à toute l'équipe et tu en fais partie, Jasmine. Il m'avait dit, écoute-la, je lui avais dit, bien sûr, mais ce matin, mon iTunes ne voulait pas que j'écoute C'est fou garnement dessus, ça ne fonctionnait pas. Et mon tas de technologie, hein? Donc la voici dans un instant classique. Maintenant, Simon Fitzbeuil vient d'arriver en studio et je pense qu'il y a une surprise pour nous, donc on va l'accueillir. Voici Phénomène.

Alors, merci Simon, évidemment. Et cette chronique-là est un succès pour tout le monde. On adore. Alors, on va continuer le palmarès de C'est fou. En fait, l'émission qu'on appelle, attention, les palmarès C'est fou présente l'équipage de la vie de croisière d'Assemblage requis dans Assemblage requis vous monte un bateau 2012. C'est catchy, c'est accrocheur, ça qui est le fun avec ce nom. Donc, il nous reste les positions 2 et 3 pour l'instant à entendre. On va entendre la moitié, encore une fois, un bloc 50-50. On va sauter par-dessus Radio-Radio avec Gallop en troisième franco. Et on va sauter aussi en la deuxième franco, qui est Half Moon Run et Full Circle. On va entendre Malajube tantôt avec Un pour un, mais on débute en position numéro 3 anglo. Avec Kezébian et Days Are Forgotten. Hey. En troisième position, anglophone. Au 89 FM, c'est fou. Toujours. Toujours.

Sage et œil pour œil, position numéro 2, francophone, ça monte d'une place. Alors, on a entendu, qu'est-ce qu'on a entendu? C'était quasi bien, hein? Je suis mielé. T'es mielé? Je suis mielé. Ah, que ça donne comme le goût, c'est bon. C'est quasi bien en troisième place anglophone. Comme un beigne, hein? J'ai vraiment entendu comme un beigne. Comme un beigne? Ouais. Comme une roussette au miel. Oui, et beigne, ce qu'on va pouvoir faire sur le bateau de croisière, se baigner. Oui. Aussi. Et j'aime ça, moi, me baigner. Hey, tu sais? Oui. Bon. Donc, on a sauté par-dessus la position numéro 3, Franco, radio avec Gallup. Et en anglais, on a sauté par-dessus le numéro 2. Qui était la pièce Full Circle de... J'ai l'impression qu'on en anglais, Full Circle? Full Circle. De Half Moon Run. Oh, oui. Ouais. Tu parles très bien anglais, arrête donc. C'est l'heure des jeux de mots des premières positions. J'oubliais, c'est vrai, parce que comme tu m'as dit tantôt, est-ce que t'as préparé tes jeux de mots? Hey, one minute, toi, là, là, là. Je prépare pas ça, des jeux de mots, là, c'est de l'art, ça vient directement d'en haut, là. De l'art. De l'art. Tu sais, c'est comme on dit, tu sais... Dans un couple, mettons, si on devait s'imaginer dans un couple, là, on n'est pas dans un couple, toi et moi, là, on est dans des couples séparés, mettons, chacun de notre bord, mettons, peut-être. Tu dirais, hey, chérie, mettons, écoute-moi donc quand je te dis des jeux de mots pour les comprendre, tu vois, parce que c'est comme, tu sais, à un moment donné, c'est comme un chat qui pèterait les arcs-en-ciel, là, tu sais, là. Tu sais, sur Internet, les Nyan 4, là. Ouais. Ben, entre autres, là-dedans, il y a sûrement du mauve, tu sais. Ouais. La formation mauve. Là. Ben, moi, j'aurais plutôt dit. C'est toi. Mettons qu'on est en train de chicaner. OK. Pour quel film on va aller voir. Ouais. Je dirais, ben là, chérie, écoute-moi. Mm-hmm. C'est moi qui choisis le film que nous irons voir au cinéma. Ah, cinéma dans ta voiture et qui serait, mettons, au hasard, une Plymouth. Comme ça. Cinéma Plymouth, l'album de Mauve. Ouais, wow, c'est réussi. C'est, je n'oublierai pas. Je n'oublierai pas ça bientôt. Oblivion, hein. C'est... Ouais, puis Grimes, ben j'ai rien, là. Puis Visions non plus. Visions non plus. Non, mais par contre, j'ai une vision. J'ai une vision d'un sacre qui pourrait être utilisé comme Grime, tu sais. Genre. On les écoute-tu? Ouais, je pense que ce serait mieux. OK, go. On commence avec Mauve. Chérie, écoute-moi. Dans la lueur de l'oasis blanc, j'ai senti tes flancs qui s'embrasaient. J'ai cru voir le soir s'enflammer dans tes blonds cheveux. Je me sentis bleu de laisser choir la fin de l'histoire. Debout sous les avocatiers, mon cœur j'ai semé pour que tu puisses enfin y goûter. Chérie, écoute-moi, je sais que tout finira par s'arranger. Bon, écoute-moi, ma chérie. Vent du nord qui ne cesse de souffler, je m'en suis méfié. Il voulait loin de toi m'emporter. Tout mon cœur avait fleuri de ton sein nourri. Oh, première position. Palmarès, c'est fou cette semaine. On va faire un petit récapitulatif de chaque côté. En anglophone, en troisième, c'est Kiss ABN avec Days Are Forgotten. En deuxième, c'est Half Moon Run avec Full Circle qui monte de deux places. Et on vient d'entendre en première place Grimes avec Oblivion qui monte de deux. Du côté francophone, en troisième position, Radio Radio avec Gallop. En deuxième, Malajube avec Œil pour Œil. Et en première, l'ancien numéro 2, Mauve avec Chérie, écoute-moi. Et voilà, vous avez compris les jeux de mots maintenant. Poche, vraiment poche cette semaine, particulièrement mauvais. Non, parce qu'ils les ont déjà oubliés. J'espère, hein? Oui. Ça, on efface ça de la mémoire. Parlant d'effacer ça de la mémoire, ben, vous allez devoir vous effacer les palmarès. C'est fou de la mémoire pour 4 mois parce qu'on prend l'été en congé. Je dis en congé, mais c'est qu'on fusionne les palmarès. C'est fou et Assemblage requis en une seule émission. Donc, à la place d'entendre cette merveilleuse chanson, vous entendrons celle-là, à la fin de l'émission. On se met dans le bain tout de suite, là. On va embarquer dans le bateau à partir de la semaine prochaine pour la vie de croisière d'assemblage requis. Jasmine sera ma copilote, ma matelote. On a appris que ça existait. Et capitaine Mathieu Plante nous guidera vers des îles tropicales. À travers vents et marées, je dirais. Oui. Ouais, on aura tout plein de chroniqueurs, évidemment. La musique du palmarès va se retrouver au complet, ou presque là-dedans. Top 20 francophones une semaine, top 20 anglophones l'autre semaine. On commencera par le francophone jeudi, le 3 mai. Et d'ici là, restez à l'écoute mardi, le 1er mai. Entre 11h et 10h en soirée, là, on n'a pas vraiment d'heure de fin, mais c'est peut-être minuit dans ces coins-là, pour l'émission spéciale de fin de session animée par Mikey et Antoine de l'émission Onde de choc qui a lieu les jeudis soirs à partir de, dépendant des semaines, je crois que ça commence à 21h cette semaine parce qu'il n'y a pas d'émission à 21h. Sinon, ben c'est ça, et moi-même, en tant que genre de gars qui sûrement va faire des défis, enfin, je vais faire tout ce qu'ils vont me dire de faire. T'es game, on le sait. Cap pas cap, me v'là cap. Oui. Voilà. C'est ça. Ben, on se quitte pour les palmarès, mais tu sais, en fond, c'est pas vraiment la fin, fait qu'on fera pas d'énormes au revoir. Bon. Fait que, bye, à la semaine prochaine, Mathieu. À la semaine prochaine, Jasmine. Merci d'avoir été là. Ben, merci à toi. Et merci à Simon Fitzbé, à François-Louis Marchand, à vous les palmiers qui deviendront des requins pour l'été, tu sais. Parce que qui dit croisière dit requin. Oui, oh. Et qui dit assemblage requis dit des assemblages requins. Ouais. Hein? Et les palmiers, c'est pour les palmarès, c'est fou. C'est ça. C'est ça. Quand il faut expliquer, c'est rarement la meilleure affaire. Drôle. C'est ça. Voilà. Bye. Au revoir. Une chance qu'on a réussi à finir sur un malaise, mais hein? Il a fallu... Hey, y en a pas eu aujourd'hui, ben oui. Ben, en fleurs. Ben non. Non, pas vraiment? Ben non. C'est standard pas mal? Ouais. Les oiseaux rient de moi? Ouais. Bon. Ah, OK, les bleus. Ils veulent les frites sur ton T-shirt. C'est vrai, j'ai des frites sur mon T-shirt et une patate française. Bon, bye pour vrai. OK, bye. Au revoir.